Yo, yo, hey, Nacoxy. Wine. We are wine. Bumbo clap. Si faux, faux, faux, mes petites marionnettes, elles font, faux, faux. Trois petits sons et puis s'en vont. Present, present, break, break, y'a pas de faille, faille. Il regarde la notice sur mon corps, die, die. J'ai pas le time, time. Get la maï, maï, get la maï, maï, get la maï, maï. Hey yo, toujours imité, jamais égalé. T'as qu'à laisser la baisse rouler, je vais te régaler. We know come I hear you, we know come I hear you. Elles s'y font, font, font. Mes petites marionnettes, elles font, font, font. Trois petits sons et puis s'en vont. Ça passe ou ça casse. Je t'inviterai bien à ma masterclass. Sorry, I'm not sorry. I'm so good for everybody, yes, you know me. Hey yo, so wine, we are wine. Les mots qu'a fait en son mot qu'a crasé en caille. Baby, don't worry. J'ai les couilles, j'ai la team et j'ai l'harmonie. Elles s'y font, font, font. Mes petites marionnettes, elles font, font, font. Trois petits sons et puis s'en vont. Ah ah ah ah. Ah ah ah ah. Ah ah ah ah. Don't touch me now, don't touch me now. Ah ah ah ah. Ah ah ah ah. Ah ah. Don't touch me now, don't touch me now. Bambo clats, you're not toxic. Ha! Stay connected now.